13h30, dimanche après-midi. Il n'y a pas eu de reportage vendredi et samedi. On a eu de la misère à se pogner, comme on dit, avec le président Pierre-Luc Ménard. Mais là, on va en faire un pour savoir un peu comment que ça va. Salut, Pierre-Luc. Salut, Danny. Pierre-Luc, oui, effectivement, on n'a pas été capable de se parler. Comment ça va finalement depuis le dernier reportage qui est jeudi? Est-ce que la foule est au rendez-vous? Oui, encore une fois, cette année, là, ça va très bien. Les gens sont au rendez-vous. On a eu des très bons matchs. On est très satisfait du déroulement du tournoi. OK. La semaine passée, on se disait qu'on se parlait qu'il y avait des possibilités qu'il y avait beaucoup de monde en raison que nos équipes du secteur avaient des chances de bien performer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec nos équipes? J'imagine qu'ils ont bien fait. Ben, en fait, dans le 2B, ça va très bien. Ils sont en train de jouer présentement. La première période est commencée en demi-finale. Donc, ils sont classés troisième. Donc, okay. Ils sont en demi-finale contre Saint-Bruno actuellement. Okay. Il y a des bonnes chances. Il y a quand même des bonnes chances qu'ils ramassent en finale contre les Marquis de Jonquière. OK. Du côté... Les autres, ça a moins bien été. Là. Pour ce qui est du Bantam A, Bantam B, ils ont fait en mesure de se passer en demi-finale. OK. Donc, ils n'ont pas été capables de se mettre... qu'est-ce qui reste dans le Bantam 2B? Il reste Jonquin, il reste de Boom-Sisney, puis il reste qui? Les Patriotes de Saint-Bruno. Trois grosses équipes, OK. Donc, est-ce que les Rapides ont des bonnes chances quand même de bien figurer, de sortir en demi-finale? Ben oui. Je pense qu'ils ont la foule de leur côté. C'est une bonne équipe. Même si Saint-Bruno, on les a battus mercredi, 4-3, ça reste que je considère qu'ils ont les avantages sur Saint-Bruno, qui sont en mesure de remporter cette demi-finale-là. OK, OK. Puis les autres, d'ailleurs, comment ça s'est passé maintenant? Oui, ben en fait, dans le B, on a eu quand même une finale, les Bucks de Québec contre les Vikings d'Alma. OK. Donc, ça va être quand même très intéressant. Dans le A, on a les Aiglons d'Alma, contre les Blues de Jonquière, les deux fortes équipes, là. Ça va être aussi une très belle finale. OK. Donc, le tour roule rondement, j'imagine? Oui, ben là, on est en fin de tournoi, donc tout est sous contrôle. On se prépare tranquillement pour les finales, la remise des médailles, les trophées. OK. La foule est au rendez-vous, puis on s'attend à des bons matchs de finale. OK. Pierre-Luc, on s'en reparle demain pour le bilan complet. Oui, ça marche. Pierre-Luc Ménard, qui est le responsable du tournoi Bantam dans le secteur 2006.